Le Dhammapada. Traduction de Jeanne Chute. Verset sur les paires d'opposés. Tous les phénomènes qui se manifestent à nous naissent dans notre cœur et dans notre esprit. Ils sont dirigés par le cœur et l'esprit. Ils sont fabriqués par le cœur et l'esprit. Si nous parlons ou agissons avec un cœur et un esprit obscurcis, la souffrance s'ensuivra aussi sûrement que la roue du chariot suit la trace du bœuf qui le tire. Tous les phénomènes qui se manifestent à nous naissent dans notre cœur et dans notre esprit. Ils sont dirigés par le cœur et l'esprit. Ils sont fabriqués par le cœur et l'esprit. Si nous parlons ou agissons avec un cœur et un esprit paisibles et lumineux, le bonheur s'ensuivra aussi sûrement que notre ombre qui jamais ne nous quitte. On m'a insulté, on m'a frappé, on m'a battu, on m'a volé. Ceux qui entretiennent de telles pensées ne mettront jamais fin à l'hostilité. On m'a insulté, on m'a frappé, on m'a battu, on m'a volé. Ceux qui n'entretiennent pas de telles pensées verront l'hostilité s'apaiser. Jamais les rancœurs ne seront apaisées par l'hostilité. Ce n'est qu'en s'abstenant de toute hostilité que les rancœurs seront apaisées. Telle est la loi de toute éternité. Certains semblent oublier que nous devons mourir un jour. Ceux qui en sont conscients abandonnent toute querelle pour toujours. Celui qui ne s'intéresse qu'à ce qui est beau et agréable au sens, qui ne sait pas se modérer en matière de nourriture, qui est amorphe et sans énergie, celui-là sera anéanti par Mara aussi sûrement qu'un arbre chétif est emporté par le vent. Celui qui est conscient que les choses sont périssables, qui est pondéré et sait se maîtriser en matière de nourriture, qui est confiant, et plein d'énergie, celui-là ne sera pas anéanti par Mara, pas plus qu'une montagne rocheuse ne peut être emportée par le vent. Celui qui porte l'habit sacré du moine, tout en étant immoral, indigne de confiance et dépourvu de toute maîtrise de soi, celui-là ne mérite pas de porter cet habit sacré. Mais celui qui a abandonné toute immoralité, qui est digne de confiance, qui se maîtrise et suit les préceptes, celui-là mérite vraiment de porter l'habit sacré du moine. Note de Jeanne Chute. Les cinq préceptes de vie vertueuse pour les laïcs énumérés par le Bouddha sont s'abstenir de nuire à la vie, s'abstenir de prendre ce qui n'est pas offert, s'abstenir de prononcer des paroles dures ou mensongères, s'abstenir d'avoir des relations sexuelles irresponsables et de s'intoxiquer avec des drogues ou de l'alcool. Les moines, eux, doivent observer 227 préceptes. Ceux qui considèrent le non-essentiel comme essentiel et l'essentiel comme non-essentiel se fourvoient dans des pensées erronées et n'atteignent pas l'essentiel. Ceux qui reconnaissent l'essentiel comme essentiel et le non-essentiel comme non-essentiel demeurent dans une réflexion juste et atteignent l'essentiel. De même que la pluie s'infiltre dans un toit de chaume mal attaché, les passions s'infiltrent dans un cœur et un esprit non entraînés. De même que la pluie ne peut s'infiltrer dans un toit de chaume bien attaché, les passions ne peuvent s'infiltrer dans un cœur et un esprit bien entraînés. Note de Jeanne Schutte. Entraîner l'esprit consiste à développer une attention soutenue jusqu'à voir les choses telles qu'elles sont réellement, dans leur vérité absolue. Quand il prend conscience de la laideur de ses actes, celui qui a mal agi se désole et s'afflige, dans ce monde comme dans l'autre. Quand il prend conscience de la beauté de ses actes, celui qui a bien agi se réjouit et exulte, dans ce monde comme dans l'autre. Celui qui a mal agi souffre dans ce monde comme dans l'autre. Il se tourmente en pensant « j'ai mal agi ». Et il se tourmente plus encore quand il part vers les mondes de désolation. Celui qui a bien agi se réjouit dans ce monde comme dans l'autre. Il se réjouit en pensant « j'ai bien agi ». Et il se réjouit plus encore quand il part vers les mondes de félicité. L'inconscient, capable de réciter de nombreux textes sacrés, mais incapable dans sa vie de les appliquer, n'aura aucune part aux bénédictions d'une vie contemplative et de méditation, exactement comme un berger qui se contenterait de veiller sur le troupeau d'un autre berger. Celui qui connaît mal les textes sacrés mais suit le Dhamma et le met en pratique, qui abandonne les passions, les pensées erronées et l'aversion, le vigilant qui a libéré son esprit et ne s'attache à rien dans ce monde ni dans l'autre, celui-là a sa part de bénédiction d'une vie contemplative et de méditation.